Fire. Je me souviens à l'époque que ma vie était placée, tracée sur le bitume où je passais. Ma passion, c'était le rap à l'ancienne. J'écrivais des textes sur les murs tagués chienne. Non, tu sais, à l'époque j'étais fou. On marche en bande dans la rue et on casse tout. Bref, tu vois la conscience triompher. J'ai fait de bonnes choses mais je n'ai pas assez de trophées. Je me rappelle en salle de cours, Rosco, je ne fous rien. Des lascars tapent dans la cour. À cette époque, c'était le rap mon école. J'ai foiré mes diplômes mais le reste pas de bol. Mais mon blaze apparaissait sur tous les murs. En voyant ça, j'étais vainqueur à coup sûr. Avec un style qui tapait trop des bluffés au tout part dans les couloirs du métro. Je me rappelle, à cette époque j'étais moqueur d'ailleurs. Envers les élèves travailleurs, des bonnes notes à travailler c'est dur sûr. C'est comme ça qu'on se casse la figure. C'est bête, t'es obligé d'aller plus loin. Sur le marché du tabac qui cinq ou tu vaux rien. Ça fait partie de son passé, de mon passé. Les erreurs il ne peut les effacer, les effacer. Agacer, vieillir quand il faut le hémisser. C'est toujours hélicé. Ça fait partie de son passé, de mon passé. Le cas classé défoncé dans le foncé. Les sûr qu'il faut avancer. Mais au hémisser, c'est toujours hémisser. Je me rappelle d'une époque où je n'écoutais rien du tout. Vas-y c'est bon, je m'en fous. J'ai les clés dans la poche mais je sors quand je veux. Je rentre quand je veux, en fait tu fais ce que je veux. Ma mère pleure mais bon, je ne suis pas là, donc je la vois pas. Voilà pourquoi je m'inquiète pas. À cette époque, je connaissais pas le prix du loyer. Je ne savais même pas qu'elle devait lutter pour exister. Trop fier pour la serrer dans mes bras. Lui dire je t'aime, j'y pensais même pas. J'avais pas le temps, j'avais des affaires à faire. C'était plus important que de m'occuper de ma mère. Ce genre d'erreur, je ne pourrais pas l'effacer. Ouais. Ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de son passé. De mon passé. Les erreurs, il ne peut les effacer. Les effacer. Agacer. Quand il faut le hémisser, c'est toujours hémisser. Ça fait partie de son passé. Le coq classé défoncé dans le foncé. Les blessures qu'il faut avancer. Mais au hémisser, c'est toujours hémisser. Hémisser, ça fait partie de mon passé. Ça fait partie de son passé. Yo, écoute un peu ça. Les erreurs, on est tous pareils. C'est BG. Ouais.